is good, that's what they say. Depending on the mood, could have a price to pay. Life is better when you share it. Love is a treasure, you should try. Elle est si belle et si sensuelle, sa beauté naturelle, sans maquillage ni porte jartelle. Elle est celle qui m'ensorcelle, qui m'embarque sur sa nacelle. Je la suis comme son ombre, comme un canin des plus fidèles. Sa présence m'ébouille en moi, elle anime l'étincelle. J'ai l'amour à ses notes, c'est si sale et si sexuel. De nos voeux exotiques à l'attirance intellectuelle, nous sommes en parfaite osmose philosophique et spirituelle. Je fly, je plane, je sens pousser les ailes. Je plonge dans son regard et me noie dans ses prunelles. Si tu savais comme j'aime les courbes de sa mélodie, si elle est un péché, alors laisse-moi être maudit. Love is good, love is good, that's what they say, that's what they say. Depending on the mood, depending on the price to pay, could have a price to pay. Life is better, life is better, you share it. Lui écrit les plus belles poésies. Je compte tous ses désirs. Elle est pour moi une prophétie. Elle est pour moi un professeur. Ma maîtresse et mon âme sœur. Quand nos êtres s'accouplent, c'est pour finir en sueur. Mais c'est une femme libre et je sais qu'elle va voir ailleurs. Elle côtoie saltimbanques, artistes et des maîtres chanteurs. Malgré ses écarts de symphonie, moi je lui pardonne tout. Uniquement par amour, même si j'avoue je suis jaloux. Mais que voulez-vous, sa splendeur me met à genoux. Pour la faire rebriller, c'est toute ma vie que je dis fou. Je ne suis jamais en échec, non, jamais au fond du trou. Je suis le pion dans l'arène, je suis qu'un roi devenu fou. Love is good, love is good, that's what they say, that's what they say. Depending on the mood, depending on the price to pay, could have a price to pay. Life is better, life is better, you share it. De nos jeux érotiques, quand elle m'embrasse, quand elle m'enlace, quand j'étreins la rythmique. Elle est ma confidente et elle connaît tous mes secrets. Je lui parle pendant des heures sans le moindre regret. Sa présence m'apaise dans les moments les plus tragiques. Je suis bercé par son âme et ses charmes symphoniques. Elle est ma thérapie et sa méthode est mélodique. Elle n'a pas de nation car elle est multi-ethnique. Elle n'a pas de préjugés, elle est rebelle et authentique. Jamais égalée, elle reste magique et unique. Elle connaît mes pensées, mes écrits les plus intimes. Tantôt exposées, tantôt elle reste anonyme. Love is good, love is good, that's what they say, that's what they say. Depending on the mood, depending on the mood.